Chapitre 108. La couverture de laine pour la mère Étienne. Reims et les lainages. Se souvenir toujours d'un bienfait, c'est montrer qu'on en était vraiment digne. Mon oncle, dit un jour André à l'oncle Franz, il y a une chose qui me préoccupe. Lorsque nous avons quitté la Lorraine, le père et la mère Étienne nous ont aidés comme si nous étions leurs enfants. Et la bonne mère Étienne, sans rien me dire, a glissé dans ma bourse 2 pièces de 5 francs que j'y ai trouvées à Épinal. Cependant, ils sont très gênés, car ils ont perdu toutes leurs économies pendant la guerre. Et moi, malgré nos peines, j'ai néanmoins en ce moment 2 fois plus d'argent qu'en quittant Falsbourg. Je voudrais bien leur rendre ces 2 pièces de 5 francs et leur en montrer ma reconnaissance. Je t'approuve, André, dit l'oncle Franz. Il faut toujours, dès qu'on le peut, rendre ce qu'on a reçu et répondre à un bon procédé par un autre. Nous passerons chez la mère Étienne avant d'arriver à Falsbourg et nous lui offrirons quelque chose. Mon oncle, dit Julien, qui avait écouté avec attention, je me rappelle que Madame Étienne nous avait mis la nuit sur notre lit des habits pour nous couvrir, car, disait-elle, elle n'avait plus une seule couverture de laine depuis la guerre. En effet, dit André, et malgré cela, elle n'a pas hésité à nous donner ses petites économies. Bonne mère Étienne. Eh bien, mes enfants, dit l'oncle Franz, nous arriverons bientôt à Reims. Profitons-en pour acheter une bonne et chaude couverture, que nous offrirons à la mère Étienne. Reims est la ville des lainages par excellence, et notre bateau va y rester assez de temps pour que nous y puissions faire notre achat. L'oncle Franz et les 2 enfants parcoururent la belle ville de Reims, la plus peuplée du département de la Marne. Ils visitèrent la superbe cathédrale, et Julien, se rappelant les récits de la mère Gertrude, dit à son oncle que Jeanne d'Arc avait fait autrefois dans cette cathédrale sacrer le roi Charles VII. C'était un jour de marché, et partout s'étalaient les produits de la Champagne, qui consistent surtout en lainage, en fer, en vin célèbre. Les lainages, dit l'oncle Franz, sont la plus ancienne des industries françaises, et une de celles où la France l'emporte sur ses rivales. On carde et on peigne les laines, puis on les tisse, et les tissus de Reims, ainsi que les draps de Sedan, sont justement renommés. Tout en causant, on choisit une bonne couverture, chaude et grande, et on se réjouit par avance du plaisir qu'on aura à l'offrir à la mère Étienne. On reprit ensuite le chemin du bateau, et on recommença à travailler en songeant qu'on arriverait bientôt en Lorraine. Julien s'empressa de se remettre lui aussi au travail. Il fit une belle page d'écriture, des problèmes que l'oncle Franz lui avait donné à résoudre et qui roulaient sur l'achat et la vente des lainages. Puis il prit son livre d'histoire et lut ce qui s'y trouvait sur la Champagne. La cathédrale de Reims est un admirable édifice du XIIIe siècle. On en voit ici l'extérieur et les superbes tours. L'intérieur n'est pas moins magnifique. Il est éclairé par des vitraux remarquables et orné d'innombrables statues. C'est dans la cathédrale de Reims qu'étaient couronnés les rois de France. Ouvrière de Reims, cardant et peignant la laine. La laine, comme le coton, a besoin d'être débarrassée de tous les filaments étrangers et de toutes les impuretés. Pour cela, on la carde. Ce mot vient d'une espèce de chardon à tête épineuse, la cardère dont on se sert pour brosser la laine. Ensuite, on la peigne, comme nous peignons nos cheveux. La Champagne tire son nom de ses vastes plaines, couvertes en partie de vignobles, en partie de vastes forêts. Mézières, le chef-lieu des Ardennes, est une place forte sur la Meuse. Sedan est une petite place forte célèbre par la défaite de Napoléon III. Chalon-sur-Marne, Reims, 65 000 habitants, et Pernay font un grand commerce de vin. Troyes, 36 000 habitants, fabriquent de la bonneterie et des toiles. Chaumont des gants et des couteaux. Langres a une coutellerie très renommée.